Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La drogue, c'est mal, mais souvent, ça fait très mal. Pourquoi l'héroïne a-t-elle été une catastrophe ? Vous droguez depuis combien de temps, monsieur ? Bon, 2 années. Plus que 20 ans. Vous avez quel âge ? J'avais au moins 18 ans. Comment avez-vous commencé ? Ah, tiens, goûte un peu, j'ai goûté, c'était fini. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes piqué ? Un choc, c'est tout. Un choc ? Un choc, c'est tout. C'est-à-dire qu'est-ce que ça vous fait ? Dans les veines, un choc. Est-ce que vous avez une idée de ce que peuvent gagner ceux qui fabriquent cette drogue ? Vous rigolez, pas besoin que je vous le dise, il gagne des millions, qu'est-ce qu'il gagne ? Surtout en qui n'en prend pas. Michel Kokoreff, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8 et vous venez de publier avec Anne Coppel et Michel Peraldi un livre intitulé « La catastrophe invisible, histoire sociale de l'héroïne » avec tout d'abord une question. Comment l'héroïne s'est-elle progressivement répandue en France ? Oui, alors effectivement, on a mené une grosse recherche collective avec une dizaine de contributeurs dont je ne vais pas citer tous les noms, mais qui avaient comme caractéristique quand même d'associer des universitaires, des intellectuels précaires et des acteurs de la réduction des risques. Alors bon, l'héroïne, peut-être 2 mots sur son histoire, elle est inventée comme un produit pharmaceutique en 1892. Elle va donner des résultats miracles dans un premier temps, c'est un antidouleur. Dans un deuxième temps, on se rend compte que effectivement c'est un produit qui peut rendre très rapidement dépendant. Bon, et puis les choses, on reste un petit peu là, sauf que ça devient une sorte de d'or blanc qui est l'objet de trafic à l'échelle la plus large entre le Moyen-Orient où est fabriqué le pavot, qui est transformé en morphine, et un certain nombre de laboratoires qui fabriquent l'héroïne à destination notamment du marché américain, qui donc se développe très rapidement, notamment dans les années 40, 50. Et puis, bon, d'une certaine manière, on reprend cette histoire dans les années 60, où les laboratoires des chimistes marseillais de la mythique French Connection sont pointés du doigt, et qu'on se rend compte qu'il y a de l'évaporation, et que tout n'arrive pas aux États-Unis simplement, mais que il y a aussi une consommation, un trafic national. Ben oui, parce que vous parlez de Marseille, mais justement, Alexandre Fougeron, le réalisateur de Super Fail, a trouvé beaucoup d'archives sur Marseille. Oui. C'est effectivement particulier à Marseille, l'héroïne. Non, c'est pas spécifique à Marseille. Ce qui est intéressant à analyser, c'est ce que j'appellerais une mythographie, c'est-à-dire comment on construit un ensemble de récits qui fixe une origine, qui fixe un lieu, qui invente, par exemple, le fait que tous les gens qui participeraient à ce trafic seraient des millionnaires. Bon, et c'est vrai que de ce point de vue-là, Marseille rend beaucoup de services, mais au fond, on pourrait faire le même constat à Montmartre, à Pigalle, dans certains quartiers parisiens, où la délinquance remonte au moins au 19e siècle. Donc, c'est quelque chose de plus difficile. Et de fait, l'histoire de l'héroïne, c'est l'histoire de sa diffusion à partir des années 60 et une diffusion large, c'est-à-dire aussi bien sur le plan géographique, dans les villes, que sur le plan sociologique, dans peut-être pas tous les milieux sociaux, mais des milieux sociaux variés. La French Connection, c'est un mythe ? Ah, c'est un pur mythe, c'est une invention policière dont on essaye de démonter les rouages. L'idée de la French Connection, c'est que ça serait une organisation criminelle pyramidale. Bon, avec des chefs qui seraient plutôt des corsos marseillais. Bon, or ce que l'on constate à partir de témoignages d'archives et de différentes données, c'est que l'on est plutôt dans des organisations horizontales, on est plutôt dans des gens qui sont dans des logiques d'opportunité, qui ne sont pas forcément des trafiquants professionnels, qui n'ont pas forcément de contact entre eux, et que surtout la filière, le mythe de la filière unique qui passerait donc par ces fameux chimistes marseillais est contredite par l'existence de multiples filières qui passent par différents pays producteurs, mais aussi par différents groupes criminels, on peut les appeler comme ça. Alors, on va rappeler que la drogue, c'est mal, qu'il vaut mieux éviter, évidemment, de consommer de l'héroïne, mais il se trouve quand même qu'avant d'évoquer la catastrophe qu'a représentée l'héroïne, elle est aussi un élément central dans la contre-culture et dans la musique des années 70, notamment Michel Kokoreff. Oui, alors dès les années 60, on peut se rappeler d'un certain nombre de figures, d'icônes. Bon, après, c'est vrai que d'un point de vue légal, juridique, du point de vue du sens commun, on peut peut-être dire que la drogue c'est mal, mais du point de vue de l'expérience et donc notamment de la consommation, la drogue c'est le pied. La drogue est un plaisir. Et elle ne serait pas un plaisir, quel que soit le produit d'ailleurs, du cannabis à l'héroïne en passant par le LSD dans cette époque de pleine diffusion, elle ne serait pas consommée, elle ne prendrait pas un sens particulier, en tout cas le sens qu'elle a pu avoir. Bon, donc ça, il me semble que c'est pas faire un plaidoyer et c'est pas faire du prosélytisme que de le dire, puisque le prosélytisme est... sanctionné par la loi de 1970 qui régit encore nos affaires en matière de drogue, mais c'est une réalité, c'est un fait social. Autrement, on n'y comprend rien. Alors, elle est très présente, l'héroïne, bien sûr, chez les Rolling Stones, aussi bien que Lou Reed, bien sûr, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que ces musiciens, ces stars, notamment après Woodstock, sont des consommateurs. Et puis, il y a le fait que l'héroïne devient un sujet. Et notamment, on le voit bien dans Velvet Underground, dans Lou Reed, ou chez d'autres musiciens. I don't know just where I'm going. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you, things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Ça veut dire que l'une des catastrophes liées à ce produit, parce que l'héroïne, évidemment, ça n'est pas une bonne chose à consommer, c'est que ce produit a été très à la mode, Michel Kokoreff. Alors, pourquoi on parle de catastrophe invisible? On peut peut-être s'en expliquer en deux mots. Au départ, l'expérience est flamboyante. Elle s'inscrit dans une culture qui vient des États-Unis, qui est la culture de la route, qui passe par la pop musique. Bon. Et puis, effectivement, à un certain moment, les choses se passent mal, d'ailleurs assez rapidement, mais on observe un déni des pouvoirs publics sur l'importance, la gravité, la nécessité de réagir de façon adéquate et pas simplement en essayant de mettre les gens en prison, que ce soit dans Midnight Express en Turquie ou à la santé en France. Et donc, cette catastrophe, elle va se traduire par un nombre de morts extrêmement élevé, que ce soit par overdose, que ce soit lié au sida dans les années 80, mais cette catastrophe, elle est invisibilisée, je dirais, par les pouvoirs publics qui ne cessent d'en dénier l'importance dans des rapports officiels, mais aussi qui restent arc-boutés sur un modèle qui consiste d'un côté à privilégier la répression, d'un autre côté à attendre l'abstinence comme seule solution. Et donc cette catastrophe, elle va être invisible parce que non seulement elle va faire des ravages, elle va constituer une hécatombe, notamment dans les quartiers populaires, mais dans le déni le plus large des pouvoirs publics quant à une possible politique pragmatique, notamment passant par la réduction des risques, et qui a été appliquée dans d'autres pays comme la Hollande et la Suisse. Ce que je veux dire par là, c'est que la catastrophe n'était pas fatale. Et l'expérience des autres pays européens, notamment, le montre. Et alors pourquoi se disent-ils cela, les pouvoirs publics, selon vous, Michel Kokoreff? Pourquoi ils ne prennent pas la mesure de la catastrophe sanitaire que représente l'héroïne? Il y a à la fois des raisons historiques qui tiennent à la place de l'État dans la société française, qui est un peu l'instituteur du social. Ça, c'est un peu compliqué, ça nous mènerait loin. Il y a un deuxième élément qui tient aussi à cette France de la fin des années 60, qui voit quand même l'ouragan de mai 68 passer. Et c'est pas qu'il se passe rien en France, c'est pas que la France s'ennuie, c'est que la France a peur, et en particulier la France conservatrice, la France qui est quand même largement à droite. Donc sans doute que c'est un élément de contexte important. Et puis je dirais qu'il y a un troisième élément qui est un pur effet de méconnaissance, c'est-à-dire une absence de connaissance de ce qui se passe réellement, qui empêche de prendre la mesure. Ce qui signifie que l'héroïne a été une catastrophe chez les usagers, évidemment, mais aussi dans l'ensemble, finalement, de la société française. Le juge Pierre Michel a été tué aujourd'hui à 12h50 à Marseille par des inconnus circulant à motocyclette. Aujourd'hui, Pierre Michel venait de quitter le palais de justice. Il est rejoint par une autre moto sur laquelle sont assis deux jeunes hommes. L'un conduit, l'autre tient une arme. Et c'est au moment où il ralentissait, près de son domicile, que les deux hommes ont ouvert le feu. Le juge d'instruction, Pierre Michel, est atteint de 3 balles de 11.43, dont 2 à la tête. La mort est instantanée. L'assassinat du juge Michel était un travail de professionnel. Une commande. Le juge Michel, qui se savait menacé selon certains témoignages, travaillait sur des dossiers de trafic de drogue. Le magistrat qui a déclaré la guerre à la French Connection vient de tomber. Il était un adversaire redoutable pour le milieu. Indépendamment de la catastrophe sanitaire que représente évidemment l'héroïne, il y a aussi une catastrophe carcérale judiciaire, Michel Kokoreff. Oui, interdépendamment, je dirais, parce que effectivement, les lignes sont liées. Alors, qu'est-ce que c'est que la catastrophe carcérale qui n'était pas non plus fatale? Bon, c'est le fait que, contre la diffusion qui devient massive à partir des années 70 et surtout 80, des drogues, c'est-à-dire aussi bien le cannabis que le LSD ou l'héroïne notamment, la seule politique qui est menée, basée sur la loi de 70, c'est donc une politique répressive, une politique qui consiste à mettre en prison des usagers, alors des usagers de différents milieux, mais enfin ce qu'on constate aussi dans le livre, c'est que ceux qu'on appelle les jeunes issus de l'immigration, ou les jeunes émigrés, le vocabulaire va après évoluer, ces jeunes-là vont être durement touchés et par cette vague répressive, évidemment aussi par la diffusion. Ce qui fait que, par exemple, certains témoignages consistent à rappeler que Fleury-Mérogis a été une prison en 1966 qui a été construite pour y mettre les Arabes, qui étaient donc impliqués dans la délinquance. Bon. Effectivement, ce qu'on peut constater de façon plus générale, sans rentrer dans la sociologie ou la socio-histoire de la prison, c'est que le modèle de la prohibition qui est imposé par les États-Unis, il produit des politiques répressives qui elles-mêmes favorisent une culture de la clandestinité. Et la culture de la clandestinité, évidemment, ça conduit à faire n'importe quoi, à échanger sa seringue, à ne pas forcément être très attentif sur les produits. Bon, et donc c'est là où la société française a manqué de vision pragmatique, c'est-à-dire d'envisager les usages dans ce qu'il peut avoir de risqué pour limiter ces risques. Combien de morts, l'héroïne ? Grande question. En gros, on peut, avec des modèles économétriques sérieux, estimer entre 150 et 300 000 consommateurs sur la période donnée, hein, c'est-à-dire 70-80, ce qui est effectivement beaucoup et très loin des 20 000 annoncés par Madame Pelletier en 1977, et entre 40 et 50 000 morts. Bon, mais en même temps, on sait bien que ce chiffre ne doit pas être pris au pied de la lettre, parce que quand on enquête dans certains milieux, et en particulier dans les banlieues, dans les quartiers populaires, eh bien, pas une famille n'y a échappé. Toutes, quasiment, au moins une personne dans ces familles a été touchée. Ce qui veut dire qu'on est au niveau quasiment de la mortalité routière actuelle. Absolument. C'est un problème de ce type. Absolument. C'est-à-dire que, disons que la partie visible de l'iceberg, en étant vraiment très rigoureux, ça serait 50 000 morts. Mais on peut supposer que c'est plus. Aujourd'hui, l'héroïne est moins à la mode. Elle revient à la mode, Michel Kokoreff ? Encore une fois, je ne pense pas que ça soit une question de mode, mais l'héroïne a participé à une transformation culturelle de la société française qui était jugée extrêmement oppressive dans les années 60. Et au fond, les drogues, de façon plus générale, étaient, avec la pop musique, avec la poésie de Jerry Robin, une sorte d'échappatoire. Aujourd'hui, elle n'est pas plus à la mode, je dirais, que dans les années 60 ou 70, mais on annonce son retour. Hein, c'est toujours la fin de et le retour de. Bon. Et voilà, qu'est-ce que vous observez ? Alors, ce qu'on observe, c'est deux choses. C'est d'une part, aux États-Unis, une surprescription médicale de médicaments opiacés, qui conduit un certain nombre d'usagers à eh bien directement aller se procurer dans la rue ces produits. Donc d'une part, et d'autre part, ce qu'on observe, c'est que au fond l'héroïne a effectivement cédé le pas devant le marché du cannabis et le marché de la cocaïne très nettement, mais n'a jamais pour autant disparu. Et donc effectivement, on peut en trouver, si on cherche bien, pas forcément de la bonne, mais on peut en trouver comme on pouvait en trouver il y a 10 ans. Bon, simplement, peut-être que ce qui change, c'est que on en parle plus. Mais il me semble qu'on a terminé un cycle à partir du début des années 2000 et que aujourd'hui on est dans une autre configuration avec d'autres produits, avec un autre type de capitalisme criminel. Diriez-vous qu'il y a aujourd'hui une autre catastrophe invisible en matière de drogue, l'héroïne, les drogues de synthèse ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que on continue à consommer de la drogue, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose de semblable à l'héroïne ? Oui, bien évidemment, parce que on voit bien que le scénario de la guerre à la drogue est un échec. Et que ce scénario de la répression, de la destruction des champs de pavots, du démantèlement des filières qui seraient soi-disant homogènes et pyramidales, eh bien, ça ne produit que des désastres sanitaires et une augmentation des risques. Donc, du coup, évidemment, par rapport à ce modèle qui s'entête dans cette direction, le secret est de règle, la transmission des bonnes pratiques ne se fait pas, les produits se diffusent et touchent de nouvelles générations, et c'est difficile d'en parler. C'est difficile de parler à ses enfants de drogue, c'est difficile d'en parler à l'école, c'est difficile de dire la drogue c'est de la merde. Donc, parler de catastrophe, c'est peut-être excessif, mais on est effectivement sur, en France en particulier, un statu quo, une grande hypocrisie qui conduit à des conduites à risque. Michel Kokoreff, La catastrophe invisible, c'est le livre que vous avez publié en compagnie d'Anne Coppel et Michel Peraldi, sous-titré Une histoire sociale de l'héroïne aux éditions Amsterdam. Connu les trans des et du shit. Je dirais en substance, ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust en shit. Ou en shit. Zéro héros à l'infini. Shit. Shit. Superfell a été complètement foiré par Anaïs Isebaer et Lila Bossez à la production. À la technique, c'est Alex Dang qui s'est chargé de le piétiner et complètement gâché à la réalisation par Alex Fougeron. Aux enfants de la chance,